tu es là, étendu devant moi, affaibli dans un lit au drap blanc. Je te parle et dans mon gant, ma main serre la tienne. Je t'embrasse derrière mon masque, ma bouche sans pas ta joue. Auberte, Charlotte sur la tête, toi inerte, qu'est-ce que je fous là, toi aussi c'est pas ta place, t'as rien à faire ici. Respire, chimiothérapie. C'est jeudi et Justine me demande où tu es. Et sur mes joues je sentais que mes larmes coulaient. Je le sens, tu vas pas bien, est-ce que tu seras encore là demain? Ma main dans la tienne, les gants nous séparaient. Ma bouche s'ajoute, derrière le masque je pleurais. C'est samedi, on est l'8, c'est en mai que t'es parti. Allongé, tout branché, les blouses blanches sont toutes penchées sur toi, pour toi. C'est la nuit vers 11h30 que ton dernier souffle est parti. À minuit, on m'a averti que le reste de ma vie serait sans toi. La machine s'arrête alors que tu étais toute clignotée, dévorée par cette saloperie que l'on appelait cancer. Je t'aimais, nous t'aimions et tu nous manqueras. Toi, ma mère, la grand-mère de mes enfants. Maman adorée, femme dévouée de mon père. Tout ce que tu m'as appris à porter, je ne vais pas le perdre, tu vas me manquer. Je vais te regretter, tu es soulagée, libérée. Nous attristés et apeurés, on va encore et encore te pleurer. C'était le 11 au matin, il pleuvait. Ambiance de merde dans la famille, de ces convenus loin pour cet événement. Bois ton bois, trou dans la terre, gerbe, gerbe de fleurs, gerbe pas terre, j'en pleure. Hystérique, hypocrite, bande de cons, respect. C'est ma mère qu'on enterre, je vous emmerde, j'ai plus besoin de dégain. Torse pompé, ventre entré, tête droite, lunettes noires. Mon père, ma grand-mère, ma sœur et ma femme, ne vous inquiétez pas, je suis là. Ne vous inquiétez pas, ne vous réjouissez pas à me regarder pleurer. Aucune larme ne coulera devant vous, je suis trop fier pour ça. Respect, c'est ma mère qu'on enterre. Que ça vous déplaise ou non, je l'aimais. Je ne pleurerai pas devant vous. Et je ne pleurerai pas devant vous. Quand je voyais cette première pelle des terres, c'est maintenant que je sentais que j'allais vraiment te perdre. Je te l'avoue, je faisais moins le fier, le plus dur c'est maintenant, maintenant que t'es plus là. Je ne sais plus vraiment comment faire dans cette vie de misère. Quand Colline appelle sa mamie qu'elle n'a pas connue, quand Juju demande à voir sa grand-mère, quand on passe devant le cimetière, quand mon père pleure, c'est dur, c'est triste, faut se faire une raison. C'est la vie, c'est fataliste, mais c'est comme ça, quand y a la vie, y a la mort. Quand y a la vie, y a la mort. Quand y a la mort, y a la vie.